Le Linky. Au début, je croyais que c'était une boisson. Mais non, c'est un boîtier communicant. Alors, qui boîtier de communicant? Est-ce qu'il y a un bouton dessus d'appel d'urgence? Ce qui serait pratique. En cas de coupure, au lieu qu'on sache directement ERDF, DF, NDIS, tout ce que vous voulez. Ah, il y a eu le panne chez tel... Non, mais moi, vous voulez rentrer chez moi, vous me mettez un bouton, arrêt d'urgence, là, et quand j'appuie dessus, je rate la communication. Ah oui, bon, il y a un peu d'attente, hein, c'est peut-être possible, mais voilà. Tout ça pour dire que ce putain de boîtier va créer des problèmes. Ah oui, on ferme les yeux sur tout. C'est gratuit, allez-y, prenez, on vous le donne. T'as, tu veux une nouvelle fenêtre? Viens chez nous, allez. On t'envoie la fenêtre, on te la monte, ni vu ni connu, c'est 0€. T'as, dans l'œuf, le bas là-bas, hein. Et oui. Attends. Ah, la dernière fois, je suis allé au McDo, il voulait m'offrir un ballon. Je dis, qu'est-ce que vous voulez en échange? Il me dit, je veux rien, c'est bon, c'est gratuit, allez-y, prenez. Je dis, oui, rien n'est gratuit, allez, c'est bon. Va voir ailleurs si j'y suis. Et du coup, Enidis va nous la faire à l'envers, parce qu'ils ont toutes les lois avec eux. Tout a été voté sur la moindre petite ligne, petit paragraphe, petite virgule. Tout est déjà écrit. On va le ressentir avec la taxe. Alors les taxes, et vas-y qu'il va y en avoir de nouvelles pour récupérer parce qu'il y a eu un manque là-bas, alors il faut rattraper de l'autre côté, tout ça. Oh là là, et je vous dis, vous allez voir dans 3 ans quand tout sera installé et passé et tout ça, ça va être chaud. On va avoir affaire à un Google Maison, Google Enedis. Car en plus d'être Google Enedis, il y a des logs. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire log, log c'est un log, ça veut dire que dans le log il y a toutes les informations qu'ils souhaitent. Ils peuvent faire des mises à jour plus tard en ajoutant de nouvelles règles, de nouveaux logs, de nouvelles informations communicantes. On dit bien communicantes, ça va dans les deux sens. Donc tout va être analysé sur le réseau, oui. Quand je parle d'analyser, ça veut dire que avec le courant porteur en ligne, ils seront quand t'allumes telle putain de lampe parce que tu vois rien tout simplement, t'es dans le noir, il te faut t'éclairer. Et le cerise sur le chapeau, c'est qu'ils peuvent couper l'alimentation de cette lampe. Croyez-moi ou pas, mais c'est possible, ils le disent, ils annoncent que c'est possible. Incroyable. Vraiment incroyable.